AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Covido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Aujourd'hui, sur l'atoll d'Ao, la France possède une base avancée complète. Là où ne poussaient voici deux ans que quelques cocotiers, une piste de 3400 mètres peut accueillir les plus gros appareils. Tous ces préparatifs destinés à permettre la première des expériences atomiques du Pacifique n'ont pas apparemment troublé la vie des Tahitiens. On va juste voir les dauphins. On voit les dauphins, baleines. C'est tout, hein. Hormis le nombre des militaires qui a augmenté, le seul signe apparent de changement semble bien être une motorisation très poussée de la vahinée. Compte tenu de cette accélération du rythme de vie, il apparaît que l'explosion de Mururoa, qui devait se produire à 1200 km de là, n'a eu aucune prise sur le moral de l'homme de la rue. Tahiti, à l'heure atomique, reste somme toute assez semblable à Tahiti d'hier et de toujours. Un bord de mer de rêve où l'on se baigne perpétuellement au son des guitares. La série documentaire Parauf Amar Amar Amar. Mururoa, le colonialisme nucléaire. Pour France Culture, Nouratio Afran Hiroa. J'arrive à l'Élysée et c'était un des anciens gouverneurs d'ici qui était le directeur de cabinet de Foucault. Et 2011, il me dit, Jacques-Denis Drolet, le général veut vous voir. Extrait du documentaire « L'élu du peuple » de Marie-Hélène Villierme. Alors je rentre, je suis présenté au général de Gaulle qui me dit, cher ami, enfin bref, il est pressé. Il me fait comprendre qu'il a besoin de ces atolls pour les expérimentations atomiques. Et qu'il serait souhaitable que nous les donnions à la France. Et que si nous ne le faisions pas, il aurait des moyens de nous contraindre. Il m'a dit, j'ai besoin de ce territoire, j'ai besoin de son positionnement, et je ferai simplement nommer un gouvernement militaire en Polynésie française. Et je déclarerai la Polynésie zone stratégique. Et De Gaulle m'avait dit, on trouvera des moyens pour améliorer la vie, la société polynésienne, ne vous inquiétez pas. Cette préparation CEP remontait à 56-57 dans le conseil de guerre, dans lequel siégeait d'ailleurs le général de Gaulle. C'est d'ailleurs pas forcément la première cible au départ, puisque c'était le massif, un massif corse qui était prévu. Et donc les Corses, effectivement, ont une autre façon de faire, une autre méthode, ont répondu gentiment que ça n'allait pas se faire là-bas et que les bombes y connaissent. Donc d'une certaine façon, ça s'est un peu expatrié. L'idée, c'est expatrié dans le Pacifique. Pour abriter la multitude d'appareils électroniques chargés de capter les images et d'enregistrer les mesures des terrifiantes expériences de physique qui se déroulent à proximité, on a dû y construire des blocos de béton d'un poids de 50 000 tonnes. Les habitants de la métropole ne comprennent pas trop les essais nucléaires. Lorsqu'on discute avec des amis de la métropole, ils ont du mal à saisir qu'il y a eu autant d'essais nucléaires en Polynésie. On fait mémoire de Tchernobyl, on fait mémoire de Hiroshima. Mais la Polynésie, avec 193 essais nucléaires, on essaie de ne pas en parler. On connaît donc depuis très longtemps les effets de la radioactivité sur le génome. Mais bon, cette question, elle a été mise de côté. Il est donc devenu, à mon avis, important pour l'armée française et le pouvoir politique français, donc depuis 60 ans, de construire un mythe. Le mythe, il n'y a pas de danger. En tout cas, on contrôle les dangers. Depuis la fin des essais nucléaires, effectivement, donc la question serait de savoir s'il peut y avoir une sorte de rétropédalage, c'est de dire non, on a clairement menti, parce que c'était la raison d'État, c'était secret défense, c'était nécessaire de faire croire qu'il n'y avait pas de danger. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. Notre vie a été, animée par l'arrivée du CEP sur notre atoll de Réau, mm-hmm. parce qu'il y avait l'installation du CEP. Hein. Mm-hmm. Papa est rentré au CEP, mm-hmm. et puis nous, on est rentré à l'école à Hao dans les années 70. Michel Araquino, extrait d'un entretien réalisé par le programme Histoire et mémoire des essais nucléaires. Un niveau, on va dire, maternel, mm-hmm. à 10 ans. Mais j'étais au niveau de la vie. J'étais éveillé, je savais pêcher, je savais ramer, monter au cocotier, faire mon feu, faire mon repas, voilà, je savais faire tout ça, quoi. Et je me baladais dans le village, et c'est un gendarme qui m'a attrapé. Et c'est comme ça qu'on m'a emmené à l'école. Je suis allé à l'école jusqu'à 15 ans. Bon, mais comme papa avait une influence après, avec le CEP, parce qu'il était adjoint au maire de l'atoll, et on a une famille influente, d'accord. et qui soutenait les actions du CEP. Mm-hmm. Oh, je veux dire qu'on était des collaborateurs, hein. Mm-hmm. Collaborateurs, parce qu'on avait foi. On avait foi au fait que cette évolution de la vie arrive chez nous. Parce qu'il faut, savoir qu'en 70, on avait des routes poudronnées, on avait des hôpitaux, on avait des avions. J'ai appris à faire de la voile, à plonger, à faire du karting. Et on avait l'électricité 24 sur 24. On avait de l'eau qui était livrée par les camions citernes pratiquement à la maison, quoi. Et on avait l'accès au grand supermarché de l'armée. C'était la belle vie. En 1963, la France installe le CEP, Centre d'expérimentation du Pacifique, sur de petits atolls des Tuamotu, à 18 000 km de Paris. Des agriculteurs, des pêcheurs, de tous les archipels, les Marquises, les îles sous le vent, les Australes, sont recrutés et défrichent avec la Légion étrangère les atolls de Mururoa, Fangatofa et Ao. Plus de 10 000 Polynésiens contribuent à la création de la force de dissuasion nucléaire. Les essais sont réputés propres et personne ne se pose trop de questions devant la quantité d'argent déversée par l'État français. Depuis les années 2000, les associations des vétérans du nucléaire mènent le combat pour faire reconnaître les maladies radio-induites des hommes de la bombe et des habitants. La route est longue. Déni de réalité, interdit de dire, le fait nucléaire reste un fait colonial. Les arguments sont techniques, scientifiques et le gouvernement finance la recherche. C'est l'interprétation du risque négligeable, puis aujourd'hui le seuil de 1 millisievert qui freine la prise en charge des victimes par le CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Papété, rendez-vous à la paroisse de Pamatai avec le père Auguste Hubé Carlson, qui est la voix de l'association 193. Un prêtre qui dérange. Les chaussures ? Non ? On est habitué à laisser le sable, c'est comme ça maintenant, vous pouvez. Le premier essai nucléaire dit d'Aldébaran a touché de plein fouet les îles Gambier. Trois jours après, le médecin qui accompagnait le bâtiment de guerre pour venir prendre les mesures a déclaré dans son rapport qu'on a pu avoir à l'intermédiaire de journalistes. Et déclarer simplement qu'il faut minimiser les chiffres qu'il y a au Gambier parce que tout est pollué. Et ils ont laissé les populations des Gambiers en 66 boire leur eau, manger leurs légumes, leurs bananes, enfin continuer leur vie, alors que toutes les îles des Gambiers étaient contaminés à 10 000 fois plus que la contamination des populations que Tchernobyl a touchées. Aujourd'hui, nous découvrons cela. Nous voyons des personnes décédées, des femmes mourir, des enfants handicapés, voilà. Et c'est ça notre crainte aussi. Et l'archipel des Gambiers actuellement est en train de mourir. J'ai mes deux sœurs qui ont été aussi déclarées victimes des essais nucléaires par le CIVEN. Mes deux sœurs, deux mamans, dans toutes les familles des Gambiers, il y a toujours des victimes, actuellement encore. Mais l'histoire des Gambiers, c'est l'histoire de toutes les îles, aussi en Polynésie. D'après le ministère de la Défense, Tahiti est l'île qui a reçu le plus de retombées radioactives. Et c'est facile de comprendre. Les masses nuageuses s'arrêtent sur les plus hautes montagnes. Et donc ces masses nuageuses qui ont été contaminées s'arrêtent sur les hautes montagnes de Tahiti. Et avec la pluie, cette contamination tombe sur l'île. Et pas nécessairement aux îles Tuamotu, parce que voilà, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de... Ils ont joué aux apprentis sorciers. Docteur Christian Sueur, pédopsychiatre, en poste au centre hospitalier de Polynésie française de 2006 à 2017. Donc il y a eu une première phase où un certain nombre de travailleurs du nucléaire ont été irradiés. Il y a eu un certain nombre de morts directement par des brûlures, par le feu radioactif lors des premiers essais atmosphériques. Donc il est clair que de multiples sacs fermés avec des personnes décédées ont transité par les moyens de l'armée entre Mururoa et l'hôpital Jean-Prince, ici, l'hôpital militaire. Bon, ça c'était la première phase. La deuxième phase, c'est les 20 années à peu près qui ont suivi les essais atmosphériques. Donc une proportion non négligeable d'anciens travailleurs du nucléaire, encore une fois, donc soit des militaires, soit des personnels civils, que ce soit des popas, hein, comme on dit ici, c'est-à-dire venant de France, ou des locaux, ont développé de multiples tumeurs cancéreuses, etc., et sont morts les uns après les autres. Hein. Ceux qui plongeaient dans le lagon pour installer les charges, tous ces plongeurs sont morts, et ils sont tous morts autour de l'âge de 50 ans, ce qui est quand même un peu jeune, surtout pour des sportifs. Toté à tout le monde. Oui, moi. Toté du tout ce qui est atomie nucléaire. Bon, c'est assez drôle. Le médecin nucléaire, le médecin atomique. Après, quand on va dans les îles, les gens, ils ont du mal à retenir notre nom de famille. Donc, ça change tous les 2-3 ans. Donc, on nous appelle Toté atomique. C'est un nom un petit peu générique qui reste comme ça depuis 10 ans que le centre existe. Viens. Allez. Centre de suivi médical des vétérans à Papété, le médecin militaire Arnaud Castelnerac. Dis-moi un petit peu, quand est-ce que tu as travaillé à Mururoa alors ? J'ai travaillé mon militaire là-bas, mon frère. Comme militaire ? Quelle année ? 80. 1981 ? Ouais. Pendant combien de temps ? Un an. Donc je suis en 81 quoi. Qu'est-ce que tu faisais exactement là-bas ? Dis-moi un peu. Chauffeur. Chauffeur, ok. Est-ce que tu as été à Fangatofa ? Non. Non, et à Hao ? Non. Non plus. Non. Ok. Mururoa, c'est un mot. Mururoa, c'est un mot. Est-ce que tu te souviens avoir porté, ça s'appelle des dosimètres, c'est comme des petits badges. Est-ce qu'on t'a donné ça quand tu étais là-bas ou pas ? J'ai porté ça. T'as porté ça ? Mmh. Lesquels des deux ? Celui-là, ça, les deux ? Ça. Celui-là ? Mmh. Okay. Ok, donc une fois que t'avais fini ton service militaire, t'as fait quoi alors ? T'es revenu sur Papeete ou ? Après, j'ai revenu ici. Ici, ouais. Et t'as fait quoi comme travail ? Travail maçon. Maçonnerie. D'accord. Et ça, jusqu'à quelle année ? Jusqu'à la retraite ? Ouais. T'étais fumeur ? Tu fumes toujours ? Non, j'ai arrêté. T'as arrêté en quelle année ? Tu te souviens ? 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Moins ? 10 ans, moi, maintenant. Il y a 10 ans ? Ouais. Okay. On ne peut pas aussi boire. On n'a pas aussi boire la bière. Tu buvais avant et tu as arrêté ou tu continues à boire ? J'ai arrêté tout, la cigarette. T'as tout arrêté ? Ok. Dis-moi, est-ce que tu as des enfants ? Un seulement. Un seulement ? Parti à Nouméa. Il est à Nouméa, d'accord. Il a quel âge cet enfant ? 28. 28 ans. Cet enfant-là, c'est un fils que tu as ? Mmh. Il n'a pas eu de problème à naissance ? Il n'a pas été pas mal formé ou... Non ? Mmh. Il n'a pas eu de problème ? Mmh. Ok, alors là, ta tension, elle est bien, elle est à 13, hein ? Mmh. Très bien. Tu n'as pas de diabète ? T'en as jamais eu avec ta diabète? Ok. Par contre, le poids, bon. 121. J'ai vu que ça. Là, en 2016, t'étais à 105, quoi. Donc, t'as pris en 3 ans, t'as pris 20 kilos, quoi. Ouais. Ouais. Bon, du coup, Jacques, on va faire une prise de sang. Tu sais, enfin, quand tu fais la visite médicale ici, t'as le droit à faire une prise de sang gratuitement. Okay. D'accord. On va regarder un petit peu comment fonctionne. La prostate et la thyroïde. Okay. Tu sais qu'à ton âge, tu peux avoir il y a des cancers qui apparaissent. On va vérifier ça. Voilà. Donc là, tu rentres, tu vas à Rapa, c'est ça? Tu pars à Rapa chez toi. Si jamais il se passe quelque chose cette année, ou si t'as des questions, si tu veux récupérer ton dossier médical de Mololoa, des choses comme ça, tu nous rappelles. D'accord. Ok. Et puis si tu connais d'autres travailleurs de Mololoa comme toi qui veulent faire la visite, n'hésite pas à leur parler de nous, quoi. Ok. Okay. Voilà. Bah, je te remercie. Ok. Je vais te faire l'ordonnance. T'as pas besoin d'être à jeun, hein, pour faire la prise de sang, d'accord? Et tu leur dis bien qu'ils envoient la facture, ils connaissent, hein, au CMS, d'accord? Okay. Puis je vais mettre un petit mot dans ton carnet rouge après, quoi. Donc pour ces campagnes d'essais qui ont été menées ici en Polynésie, je pense c'est très important de toujours garder en mémoire qu'il y a eu deux périodes en fait. Hein. Il y a eu une première période de 1966 à 1974, voilà, pour laquelle la France a conduit une 41 essais atmosphériques. Et puis ensuite, après 1974, tous les essais sont passés sous la terre, on est passé sur les essais souterrains. Sur la première période, c'est là où réellement il y avait des risques évidemment de contamination. Déjà sur l'atoll en lui-même, mais également sur les îles voisines où il y a eu des retombées. Hein. Bon, ça maintenant tout a été. Enfin, les choses là-dessus sont très faciles d'accès. On peut voir les dates et les lieux de retombées. Donc ça concerne l'archipel des Gambiers. Ça concerne Touréa, qui est la plus proche de Mololoa, Reao, Pukaoloa, enfin, en fait des îles de l'est des Tuamotu, où on suit également la population. Donc le centre médical de suivi fait un suivi médical des travailleurs et de ces gens-là sur ces îles qui ont été exposées aux retombées. Voilà. Après 1974, les risques liés au rayonnement ont vraiment concerné uniquement les gens qui étaient sur les sites. Et encore, certaines personnes qui pouvaient, soit qui manipulaient directement les engins, les têtes nucléaires qui descendaient, soit les personnes qui allaient, une fois l'essai fait, il arrivait qu'ils faisaient des forages obliques pour aller prélever sous la terre la lave en fusion, les gaz radioactifs, et là, ils pouvaient avoir des expositions sur les gens qui faisaient ces travaux de forage, quoi. On estime environ à 10 000 travailleurs polynésiens qui sont rendus une fois au moins sur les sites d'expérimentation, ce qui fait que finalement on en suit entre 20 et 30%, on va dire, quoi. Et le but de ce suivi médical, c'est de dépister des maladies radio-induites, d'accord ? Et puis après, dans ce cas-là, de proposer un mécanisme, un dispositif d'indemnisation qui est mis en place par la France, hein, par la loi Morin de 2010. Derrière les grandes phrases qui ont animé ce texte, je l'ai suivi, hein, j'étais au Sénat, je l'ai suivi de la commission, en tout cas de la gestation, c'était M. Hervé Morin. Richard Touéava, ancien sénateur, membre de Tavini Ouaratira, représentant à l'Assemblée de la Polynésie française. Qui avait donc sorti un premier texte, qui lui-même était excessivement déçu parce que son texte a été lissé ensuite par cet appareil d'État qu'on appelle le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, qui ensuite est revenu sur l'arbitrage interministériel à l'Élysée. Et alors là, il ne restait plus que les bonnes intentions de son texte. Et quand j'entends dire en commission au Sénat qu'au final, 10 millions d'euros, ça suffira pour ces Polynésiens. De toute façon, vu ce qu'on va leur mettre en termes d'articles, on n'est même pas sûr qu'ils atteignent les 10 millions d'euros. Ça, c'est l'esprit dans lequel on a voté le texte. Donc, j'ai voté contre ce texte. On était deux sénateurs sur les 347 à voter contre. C'était Dominique Voynet et moi-même. Elle m'a regardé, elle m'a fait « Qu'est-ce que tu fais, Richard ?» Je lui ai fait « C'est impossible que je vote un texte comme ça. » C'est se foutre de la gueule de mes ancêtres, de mes collègues, de mes familles. Et des gens, je ne pourrais même pas rentrer à Tahiti. À l'avion, ils vont juste me lyncher, quoi. C'est juste pas possible. Parce qu'au final, la vraie intention de cette loi n'était pas, et n'est pas, celle d'aider les victimes polynésiennes. C'est celle de donner une meilleure figure à l'appareil d'État français dans sa diplomatie à l'extérieur pour pouvoir justement essayer de ne pas ratifier le traité de bannissement des armes nucléaires qui est actuellement en cours et pour laquelle elle reçoit des pressions. Donc il y a des intérêts diplomatiques où on essaye de faire en sorte que la France adhère à des instruments internationaux qu'elle ne veut pas, et elle est obligée de faire du ménage dans ce qu'elle a elle-même fait. Moi, j'aime pas dire la loi Morin. Donc c'est la loi d'indemnisation, soi-disant la loi d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français dans le Pacifique et en Algérie. Richard Neufer, avocat de Mururoa et Tatou, qui signifie Mururoa et nous, l'association est liée à l'église protestante locale et lutte depuis 2001 pour la prise en charge par l'État des victimes polynésiennes du nucléaire. Il y a une véritable volonté de filtrer, de mettre un frein à l'indemnisation. Et tous les beaux discours qu'on va entendre ne masquent pas la réalité qui est que l'indemnisation réelle, spontanée, est infime. Et qu'il faut remplir des dossiers, fournir des pièces, maintenant fournir pratiquement des certificats de résidence des années 70 jusqu'à aujourd'hui pour montrer où est-ce qu'on a résidé en Polynésie précisément. Donc le frein à l'indemnisation est avant tout un frein moral. Tant que l'État ne va pas admettre sa responsabilité, on sera toujours dans un système à demi-mesure où on indemnise sans indemniser. Puisque on est aujourd'hui, l'État reconnaît les conséquences négligeables, mais il ne reconnaît pas sa responsabilité. Et il y a aussi une chose qui me paraît très saillante. On a l'impression que face aux victimes des essais nucléaires, il y a un État qui est schizophrène, en ce sens qu'il y a un discours du ministère de la Défense, et il y a des actes du CEA qui ne concordent pas. Lorsque pour un dossier quand même important, que les premiers dossiers dans le tribunal du travail, à la sortie de l'audience, on entend le ministère de la Défense dire « l'État ne va pas faire appel », et deux jours après, on voit une déclaration d'appel du CEA, on se dit « tiens, c'est bizarre, je pensais qu'il y avait un État ». Mais voilà, c'est aussi... Je pense que c'est peut-être aussi cet héritage de l'histoire nucléaire française qui empêche une parfaite indemnisation du fait nucléaire. Mesdames et messieurs, je veux, pour terminer, aborder le sujet sensible, grave, des conséquences des essais nucléaires en Polynésie française. Sans la Polynésie française, la France ne se serait pas doté de l'arme nucléaire. Alors cette contribution, celle que vous avez vous-même apportée à travers les essais nucléaires, je veux la reconnaître solennellement aujourd'hui, devant vous. La visite du président Hollande en 2016 a contribué à annuler le verrou du risque négligeable. Depuis 2018, le CIVEN a accepté quelques dizaines d'indemnisations. Les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française, ont eu un impact environnemental, provoqué des conséquences sanitaires et aussi, et c'est un paradoxe, entraîné des bouleversements sociaux lorsque les essais eux-mêmes ont cessé. Alors la constitution d'un dossier commence d'abord par la personne qui se déclare malade. Il faut que sa maladie soit reconnue par la loi Morin. Donc les 23 maladies actuellement recensées par la loi Morin. Père Auguste Hubé Carlson, de l'association 193. C'est ajouté ce fameux seuil d'un millisievert qui, à vrai dire, est un seuil reconnu en Europe. Et donc c'est ce seuil-là qu'on a voulu mettre également pour la population polynésienne. Or, il faut savoir que nous n'avons pas de centrale nucléaire ici. Par contre, nous avons eu 193 essais nucléaires. Et avec une puissance équivalente, puissance atomique nucléaire équivalente à 800 bombes de Hiroshima, les 193 essais nucléaires. Il ne faut pas oublier cela. C'est comme si durant ces 30 années d'expérimentation nucléaire en Polynésie, sur ces 30 années, chaque semaine, une bombe de Hiroshima explosait en Polynésie. Voilà la réalité exacte. Or, nous rejetons ce fameux seuil de 1 millisievert parce que nous ne sommes pas des populations qui vivons autour d'une centrale nucléaire. Par contre, nous sommes des populations qui avons subi les 193 essais nucléaires. Mais là où nous questionnons, c'est sur quelle base est-ce que le CIVEN peut-il déclarer que telle personne ait reçu tel seuil dans la radioactivité. Or, le CIVEN s'appuie sur des données de l'armée, qui encore une fois déclare que à la limite de Faa, il n'y a pas eu de pollution radioactive. Par contre, sur 50 mètres à Popéité, il y a eu une pollution radioactive. En fin de compte, ils avaient des appareils de mesure dans certains lieux, mais pas dans tout l'espace de la Polynésie. Je prends l'exemple de ma mère biologique. Elle est décédée de 3 cancers différents. Tous les 3 sont dans la liste de la loi Morin. Sa maladie a gravement pris le dessus sur sa personne en février. Elle est décédée en mars. Le CIVEN n'a tenu compte que de février et mars comme mois d'indemnisation. On a l'impression que les 3 cancers se sont apparus rien qu'en février et que 1-2 mois après elle décède. Donc on ne tient compte que ces 2 mois-là. En fin de compte, c'est là où se trouve la base d'indemnisation du CIVEN. Sur le temps que la personne a vécu avec sa maladie. Mais on ne regarde pas toutes les années de souffrance. Généralement, dans nos îles, les gens ne vont pas souvent voir les médecins. Et donc, ces gens-là traînent avec leur maladie. Il faut savoir que la Polynésie est tellement vaste qu'on n'a pas les moyens de venir à chaque fois voir le médecin à Tahiti. Et donc, le CIVEN ne tient compte que de ça. Et donc, après l'expertise, un forfait est donné et pour dire est-ce que vous acceptez cette indemnisation. Il faut savoir que dans notre cas, nous avons refusé. Non pas à cause du montant, c'est une question de justice. Si la France et l'État ont reconnu par le biais du CIVEN comme quoi ma mère biologique est décédée des suites de la pollution radioactive, c'est que l'État est coupable d'avoir tué ma mère. Et nous sommes à ce niveau-là. Et donc, dans notre cas, nous avons refusé l'offre que propose le CIVEN. Tout simplement parce que nous sommes à un autre combat, celui d'une justice reconnue véritablement par l'État par rapport à une population et par rapport à la Polynésie. À Mururoa et Tato, on a un petit peu élargi notre champ d'activité. Puisqu'au départ, on ne s'occupait que des vétérans, il a été décidé, lors du dernier bureau, d'élargir le champ d'activité de l'association aux veuves et aux orphelins. Parce qu'effectivement, de plus en plus de femmes, d'enfants qui sont grands, ils ont 50 ans des fois, viennent nous voir avec cette question. Finalement, est-ce que la maladie de papa, elle n'est pas venue sur moi? Est-ce que... Et... Les discours rassurants que l'on entend ne sont pas rassurants du tout, puisque c'est les mêmes qui nous affirmaient il y a 20 ans que les essais étaient inoffensifs. Et d'ailleurs, c'est généralement la même source. Donc, on a des raisons de douter, et c'est ce qui nous pousse également, en tout cas, c'est ce qui pousse Mururoa et Tato à réclamer des expertises indépendantes, pour démontrer s'il y a effectivement une transmission génétique. Donc nous là-dessus, on essaye vraiment d'être rassurant parce que la littérature scientifique et les recommandations justement des organisations que je disais sont rassurantes. Le médecin militaire Arnaud Castelnérac. Les différentes études qui ont été menées et notamment, on va dire, la grande étude Princeps, celle qui fait un peu référence, qui est celle de la cohorte qui était survivant des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, sur laquelle les Américains et les Japonais ont mis en place un système de surveillance épidémiologique qui fait vraiment référence, montre que sur... donc là, on en est à près de 80 000 naissances. Ils ont suivi la première génération, là ils suivent la deuxième, la troisième génération. Et voilà, donc sur cette population pour laquelle on a montré qu'il y avait un excès de cancer, et bien finalement on montre aussi, en la comparant avec des Japonais qui, eux, n'ont pas eu d'exposition, il n'y a pas d'excès de fausses couches, il n'y a pas d'excès de cancer infantile, il n'y a pas d'excès de malformation. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on ne le constate pas actuellement que ça n'existe pas. D'accord ? On ne peut pas dire ça n'existe pas, c'est impossible. Non. on ne l'a pas constaté, d'accord. Par contre, si on fait les expérimentations dans les laboratoires sur des petits mammifères, on le constate, d'accord. Donc, on n'est pas des petits mammifères, on a probablement des mécanismes de réparation, de sélection, d'adaptation qui sont peut-être plus évolués. Donc là-dessus, il y a beaucoup de pistes de recherche. Mais pour l'instant, en l'état actuel de la science, les effets transgénérationnels n'existent pas. Si nos tests étaient mauvais pour la région, mais ce n'est pas le cas. Le médecin militaire, ou peut-être ici le militaire médecin, se réfère au groupe de référence des survivants des explosions d'Hiroshima et Nagasaki, dont l'Institut américano-japonais a étudié la santé après la guerre. L'Institut a produit des comptages des pathologies chez les descendants de ces survivants. Ces études, qui se fondent sur des données épidémiologiques, sont érigées comme un dogme. Mais d'autres scientifiques critiquent cette approche et soutiennent que les survivants japonais ne sont pas une référence qui peut s'appliquer à la Polynésie. En Polynésie, les travailleurs du nucléaire et les habitants ont été exposés à une irradiation chronique, à faible dose, par l'inhalation et l'ingestion. Ils ont vécu dans un environnement contaminé par les retombées de plus de 40 explosions nucléaires atmosphériques. De surcroît, en Polynésie justement, on n'a pas donné les moyens de compter. Il n'y a en la matière aucun registre des pathologies génétiques des descendants des vétérans du nucléaire. Il n'y a pas non plus d'enquête sérieuse en matière de génétique médicale sur le sujet des troubles envahissants du développement des enfants. Le pédopsychiatre Christian Sueur a pourtant constaté ces troubles avec l'observation clinique lorsqu'il était en poste à l'hôpital de Papeete de 2006 à 2017. Il a établi l'hypothèse de maladies héréditaires radio-induites dans les familles des vétérans du nucléaire en Polynésie. Et donc les premiers enfants qui m'ont été amenés en consultation pour les dépistages d'autisme, on va dire, hein, pour rester simple, ce qui était frappant, c'est qu'ils avaient aussi des anomalies morphologiques. Des anomalies de l'arbre urinaire, des malformations au niveau du visage, des asymétries ou des grosses malformations les plus importantes qui avaient quasiment disparu. Enfin moi j'en ai, pendant les 20 ans que j'ai travaillé en France métropolitaine, j'ai jamais vu ce type de cas. Et ici, effectivement, on voit des raretés. Tous les enfants qui présentent ce type de troubles précoces du développement neurobiologique ont des grands-parents qui ont travaillé à Mururoa à l'époque des essais atmosphériques. Ça, c'est la première occurrence. Donc, qui accompagnait on parle de leurs petits-enfants. Là. Voilà, on est à l'échelon des petits-enfants. Ouais. Donc, ces enfants ne sont pas cachés, mais ces enfants restent en famille, parce que même à la petite école du village, qui est très, très accueillante, etc., ils ne peuvent pas suivre. Et à ce moment-là, on les voit. C'est-à-dire que dans chaque classe, on va avoir pratiquement un enfant ou deux qui présente un trouble du développement. Et puis donc, moi, c'est pas des troubles du développement que j'ai l'habitude de voir en psychiatrie. Mettre les lunettes et se tourner vers l'arrière. We have to test. That's what we do. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Comment la France a pu faire ça? Parce que j'y ai contribué. Comment la France a pu mettre la bombe dans le ventre de Mururoa? Parce que c'est moi qui est allé l'installer. Oui, j'ai exécuté des ordres, mais je pouvais la refuser. Et c'est ce que j'ai fait. Michel Araquino, ancien militaire, plongeur et victime des essais nucléaires. En 2001, on a été convoqués, tous les anciens travailleurs. Je travaillais encore pour l'État. On est allé. Et moi, j'étais allé pour infiltrer. Parce que c'était un peu mon job, quoi, d'aller écouter ce qui se passe ailleurs, pour le rapporter et préparer des stratégies de contre. J'avais déjà entendu parler par d'autres qui témoignaient au niveau des hôpitaux qu'il y avait des enfants qui naissaient mal formés, tout ça. J'ai vu aussi des collègues en France, aux métropoles, qui ont eu aussi des enfants qui sont nés, mais le cerveau n'était pas imprimé. Il était lisse, il n'y avait rien. Bon, je mettais ça sur l'erreur de la nature. Mais quand ça se répète, tu dis waouh. Je dis waouh. Hein. Je me suis fait diagnostiquer. J'étais irradié. Bon, moi j'ai deux crabes dans le ventre. Hein. J'ai un dans le grand intestin et un dans l'os. Après, je me suis dit, est-ce que moi, en tant que père, j'ai le droit de laisser cet héritage à mes enfants? Mais je voulais comprendre. C'est surtout comprendre que je voulais. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé taper à tous les portes. Et puis, j'ai arrêté mes traitements chimiques. Je suis allé chercher... J'ai marché, j'ai erré, j'ai cherché le bon Dieu. Je me suis retrouvé en face de moi. En face de moi. Je suis revenu, j'ai dit, ben, allez. Go. On va aller le tester. Qu'est-ce qui vaut le père Michel? Ben, aujourd'hui, ben, on est en face. On est en train de discuter. Normalement, je devais être mort il y a 25 ans. Je suis pas mort. Je suis là, vivant. Mais quand je vais passer mes visites médicales annuelles, le médecin qui me suit là, c'est celui qui m'a suivi pendant mon irradiation. Et quand il me voit, t'es encore vivant? Je dis, on veut pas de moi là-haut. Saint-Pierre, il a dit, j'y arrive là-haut, je fous le bordel. Alors, il préfère me laisser en bas. Nous effectuons sur le puits une nouvelle mesure de radioactivité. Encore une fois, rien de décelable. Aucune fuite. Juste un peu de métal concrétionné, colonisé par un banc de Priacanthus, gros poissons rouges tropicaux. Nous dénicherons même de superbes nacres qui n'attendent sans doute qu'un greffeur pour produire une perle noire. Ces images, vous êtes les premiers au monde à les voir. Personne n'avait jamais encore plongé sur ces étranges tulipes de métal où la radioactivité est en fait trois fois plus faible qu'à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Bon, Mauroy, ça m'a intéressé depuis très longtemps. Hein. D'ailleurs, quand je... Andreas Detloff, artiste contemporain. À un moment donné, au début, j'ai voulu faire une sorte d'atelier qui s'appelait Centre d'expression artistique. Et ça aurait fait le raccourci CEA. Et CEA, c'était le commissariat à l'énergie atomique, donc pour me moquer un peu d'eux. Mais à l'époque, je n'osais pas trop parce qu'en fait, il y avait beaucoup de renseignements ici, beaucoup de soldats. Et je crois que ce n'était pas ce genre de moquerie, ça ne leur aurait pas trop plu, quoi. Après, ça a commencé à se détendre et je pense qu'en 2016, c'était vraiment assez détendu pour faire une exposition au Mont-Roi. Alors, à ce moment-là, en 2016, j'ai trouvé ici dans le lotissement des cartons d'une personne qui apparemment était décédée. C'était des trophées. Et donc je regarde les trophées, je les sors, et ils avaient tous les trophées avaient une étiquette. Et puis c'était quelqu'un qui faisait du ball trap à Nouméa, ball trap à Papeete, ball trap dans les îles. Et puis j'en sors une, ball trap à Mont-Roi. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ah bah oui, ils vivaient une vie, ces gens-là. Ils faisaient péter de temps en temps des bombes, mais ils faisaient du windsurf dans le lagon et tout ça. Pour nous, aujourd'hui, c'est incroyable de s'imaginer ça, quoi. Que pour eux, c'était une normalité. Et d'où est venue cette idée d'équiper ces trophées avec des champignons atomiques, comme si ces gens-là, non seulement ils se faisaient des trophées de ball trap, de windsurf et des trucs comme ça, mais en plus, ils s'attribuaient un prix, premier prix, parce qu'ils faisaient quatre bombes par an. Ah ben, il y en avait seulement une qui était la plus jolie, donc c'est celui-là qui a eu le premier prix pour l'année, quoi. Et je voulais exposer, je voudrais que ça soit une exposition un peu moqueuse. On se moque un peu de tout ça, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on va pleurer? Ah, on nous a fait ceci, il faut payer, machin truc. Non, on est artiste, donc on a un regard qui en recule par rapport à une réalité. Et tout était très drôle. Il y avait un jeune, il a fait une affiche, une fausse affiche du genre ouverture d'un grand hôtel à Mauroy. Les premiers qui réservent par Internet pourront choisir leur type de cancer. C'était vraiment un truc incroyable. Il fallait le faire de toute façon, un jour ou l'autre. Même si on est peut-être 2016, ça paraît un peu tard. Mais je pense qu'avant, c'était vraiment difficile. Je voulais faire ça vraiment avec les enfants de la bombe. C'était vraiment bien. y a eu à peu près à la même époque une pièce de théâtre qui s'appelait Champignons de Paris. C'est une pièce très moderne où en fait il y a tout le temps quelqu'un qui passe avec une espèce de balai et ils ont mis une substance phosphorescente dans le théâtre, tout est noir et à chaque fois qu'il met ce truc là, ça commence à faire des traces sur les gens, hein, il leur colle partout les ondes. Ouais. J'aime beaucoup cette pièce. Aucun gouvernement n'a jamais eu l'honnêteté et la cynique franchise de reconnaître que ces expériences nucléaires puissent être dangereuses. Ils disent que c'est parfaitement inoffensif. Ben, et si les techniciens disent que c'est parfaitement inoffensif? C'est que c'est parfaitement inoffensif. Ben oui. La mission sur Mururoa, c'était une mission qui doit être faite tous les ans. Tous les ans, il y a des scientifiques qui viennent pour mesurer un petit peu l'état du lagon, et il y a des points qui ont été définis de surveillance. Ce qui était différencié au niveau des contrôles, c'est la densité toxique des maladies du poisson qu'on appelle la ciguatera, mais ceux qui mangeaient les algues, parce que c'est des poissons qui restaient dans des zones qui ne bougeaient pas, qui restaient sur une périmètre d'aller de 1000 mètres carrés. On a commencé par les daguer, on a commencé après par les mesurer, et puis quand on revenait, on retrouvait pratiquement un peu les mêmes poissons qui étaient des chirurgiens, hein, qu'on appelle en thaïsien les maïto. Et puis d'autres pays, c'était des girelles, et d'autres endroits, c'était des mérous, des loches, du perroquet et de la murène. On va dire que pendant les essais nucléaires dans nos secteurs aux alentours de Mururoa, eh ben, tous les poissons étaient toxiques, pratiquement. Et tous nos thons étaient chargés de plomb. Mais au niveau de la plongée, les fonds marins, hein, tout ça, c'était magnifique. Là maintenant, à une profondeur de 35 mètres, dans le fond du lagon de Mururoa, sur la zone Isurus 15, exactement sur le point zéro, là où a eu lieu le dernier essai français le 15 juillet 1991. La base, je la connaissais, la base. Je connaissais que pour enlever du transium, il fallait calculer comme ça, pour avoir un article positif. Parce que s'il faut retenir, ce qui est important, c'est que tous les résultats qui étaient faits lors des contrôles, c'est des résultats qui partaient en France, à Montlhéry, mais il y a des résultats qui partaient sur l'ONU, au niveau de ceux qui géraient les mesures de pic de pollution, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est eux qui définissaient si la France pouvait continuer sur deux tirs longs ou sur trois tirs longs par rapport aux analyses des pics de pollution. Et c'est comme ça que j'ai compris. Je dis, ah, ok, si on me fait réduire les taux, c'est pour que cette année, comme les calculs ne sont plus les mêmes, il faut que les calculs ils restent toujours dans l'acceptation du taux de pollution. Il n'y a pas de chimique atomique par ici, hein, ça va. Une chose est sûre, c'est que les essais nucléaires français sont considérés comme un fait colonial. Et c'est avec le... Richard Neufer, avocat de Mururoa et Tatou. L'état du système foncier actuellement, ce sont des faits coloniaux qui ont amené l'Assemblée générale des Nations Unies à réinscrire finalement la Polynésie française sur la liste des pays non autonomes, à décoloniser. C'est pour ça que c'est un chapitre essentiel de la décolonisation, le fait nucléaire. Donc lorsqu'on vit des situations comme ça, on comprend que ce pays a été maintenu dans une certaine crainte. Père Auguste Hubert Carlson, de l'association 193. Pendant toutes les années des essais, des menaces, du chantage, de la pression, à travers les maires, à travers les politiques locaux, à travers les enfants qui trouvaient du travail comme fonctionnaires, à travers des magasins qui pouvaient... On a eu des témoignages de personnes qui disaient « On ne peut pas dire quoi que ce soit. J'ai peur pour mon commerce. J'ai peur pour mon enfant qui est incite ou qui est professeur ou qui travaille dans la fonction pour l'État. Et donc cette fameuse crainte-là, c'est ça qu'il faut d'abord enlever de notre pays. Nous sommes un peuple libre. La loi existe pour tout le monde. C'est tout ça qui nous fait dire que les essais sont arrêtés en 1996, mais les conséquences sont toujours là. Aujourd'hui, certains essayent encore de faire croire à notre peuple qu'il n'y a pas d'avenir en dehors de la dépendance. Mais je sais que Mahouini possède les atouts et le potentiel pour construire une nation par et pour nous-mêmes. Cette conviction ne pliera ni ne s'alignera jamais, car le droit à l'autodétermination est l'héritage le plus précieux pour nos enfants. Ne reniez jamais votre propre expérience et vos convictions au nom de la tranquillité. Maururu Te Aruha Yerhei. Discours de M. Oscar Mantai Temaru à l'ONU, 16 janvier 2013. Nous avons ensuite fait un lobbying régional puis international. Richard Touéava, ancien sénateur. Les églises ont fait le leur de l'autre. Et ça nous a mené, bien sûr, à cette fameuse résolution du 17 mai 2013. Où historiquement et contre vents et marées, et je dirais même contre toute attente du côté de l'Élysée et de Matignon, eh bien, le territoire a été réinscrit. Et jusqu'à cette date, depuis cette date en tout cas, et jusqu'à ce jour, elle n'est jamais, la France n'est jamais à son siège dans la salle où le cas de la Polynésie est examiné officiellement par l'ONU, parce que jusqu'à aujourd'hui, elle refuse l'idée même et l'existence même de cette réinscription. Alors, pour revenir à, bien sûr, quelle était la vision en fait derrière cette réinscription ? C'était bien sûr c'était deux choses. C'était de solder le dossier nucléaire, on va dire le service après-vente, sans cynisme. Parce que réellement, là, il y a un gros souci. Il y a un gros souci, il y a des crimes contre l'humanité. En tout cas, peut-être pas forcément sur chaque Polynésien, mais sur ceux de Touréa, il y en a à redire. Ceux de Touréa et ceux des Gambiers, de Riquitaire. On a vraiment à redire, documents classifiés à l'appui. Crime contre l'humanité, je pèse mes mots, hein, on est sur l'article 7 du statut de Rome. Là, hein. La deuxième chose, c'est la protection pour le futur. La protection des ressources naturelles de la Polynésie, en tout cas de la collectivité de la Polynésie, puisqu'on s'est aperçu non seulement il y avait une confiscation extrêmement subtile des ressources de la Polynésie par l'appareil d'État, bien qu'on nous dise et qu'on nous envoie des messages du style que vous gouvernez librement et démocratiquement, que vous avez la compétence économique et sociale, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre culture, vous pouvez parler tahitien, mais c'est magnifique. Magnifique si on avait en même temps la souveraineté sur nos propres ressources. Et on s'est aperçu qu'effectivement, les vraies ressources de la Polynésie française, elles étaient tout simplement sous le contrôle des 5 compétences régaliennes que l'État s'était conservées à travers les différents statuts depuis 1977. Quelles sont ces compétences ? Police, armée, trésor, douane, bien sûr justice. Et le contrôle des matières premières stratégiques. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité justement la supervision, hein, parce qu'ils ne font pas plus non plus que ça. Hein. On ne peut pas non plus dire qu'ils sont là avec les casques bleus, hein, l'ONU. Mais la supervision et la possibilité pour nous, minorités politiques, de pouvoir s'exprimer au plan international, devant la scène internationale, sur ce qui peut se passer dans notre pays, sur ce qui se passe dans notre pays, en termes de spoliation de ressources naturelles. Monsieur le Président, vous avez utiliser cette formule en disant que vous étiez loin de l'Hexagone. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas loin de la France, puisque vous êtes la France, puisque je suis en France. Grâce à vous, et je le dis aussi à Wallis et Futuna, la France est partout dans le monde. Et quand on dit qu'on va au bout du monde, je réponds non, on va au bout de la France. Vive la Polynésie française, vive la République et vive la France. S'il y a une île en Polynésie la plus propre et la plus saine, c'est vraiment Mururoa. La Bretagne à côté de Mururoa est mille fois beaucoup plus polluée que Mururoa, alors que Mururoa c'est 193 essais nucléaires. Mais il faut les entendre pour... pour comprendre que par derrière, il y a quand même une... il y a quand même un entêtement à considérer les Polynésiens comme des... Voilà, comme des moins que rien. Hein. Bien sûr qu'ils ont investi à l'océan, au front pacifique, plusieurs milliards de front pacifique, 12 milliards exactement, pour renouveler les instruments de mesure pour calculer, on va dire, les failles de cet atoll. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet atoll a été fragilisé par tous les essais, on va dire, dans le corail, et le risque de pollution océanique, cette fois-ci, est véritable. Et donc, à partir du moment où cette barrière corallienne de l'atoll de Moruroa, toute la partie qui donne sur l'île de Touréia va s'écrouler, va s'effondrer, là, plus rien ne pourra arrêter cette pollution océanique. Chose qui se passe peut-être déjà actuellement, mais dont on ne peut pas vérifier. Encore une fois, toutes les données de Moruroa proviennent de l'armée. Il faut arrêter. À un moment donné, de se moquer, en tout cas d'insulter l'intelligence, il n'y a pas... l'époque des essais nucléaires où les gens ils étaient encore sous les cocotiers, c'est fini. Hein. Il y a des gens intelligents hein, en Polynésie maintenant, et je crois que au niveau de la classe politique nationale, ils n'ont toujours pas compris ça. Il y a des gens qui sont capables de gérer un pays de façon indépendante. Mais pour l'instant, on gère une transition. Et pour l'instant, le processus de décolonisation, il est enclenché. C'est urgent pour nous d'être indépendants. C'est urgent pour nous de stopper cette propagande pour faire en sorte que les gens ici croient que ce n'est pas possible qu'économiquement, socialement, nous puissions nous gérer. Il y a des gens capables, mais on nous a divisés. On nous dénie le droit de nous exprimer à l'ONU, ce qui veut dire qu'en réalité, nous serions à ce moment-là un sous-peuple qui ne mérite qu'une seule chose, c'est qu'on soit géré depuis 20 000 km. Et en fait, surtout, si on a mal parce qu'on a des victimes, qu'on essaye d'enterrer honorablement tous les ans, parce qu'il y en a qui meurent tous les ans, hein, eh bien on doit le faire en silence. Ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Hein. La relation coloniale est toujours existante jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un peu la réalité actuelle. Donc il fait bon de vivre à Tahiti. Il fait toujours bon de vivre à Tahiti. Mais il faut savoir qu'au-delà de l'apparence, il y a quand même une histoire qui attriste ce pays et ses habitants. Et tant que l'État, et on attend la venue de Macron, tant que l'État ne demandera pas pardon à ce pays, aux Polynésiens, ce ne sont pas les fameuses indemnisations qui vont calmer la colère de ce peuple. Merci au Père Auguste et l'association 193, au Centre de suivi médical des vétérans, et Arnaud Castelnérac et Jacques de Rapa, à Richard Touéava, à Richard Neufer et l'association Mururoa et Tatou, à Andreas Detloff, à Michel Araquino. Merci aussi à Muetai Brotherson, le docteur Christian Sueur, Alexis Vrignon, Yolande Vernaudon, Thibaut Marais, colonel Thierry Titi-Béron, Souliane Favenec, Noémie Savinien, Touari Traki. Coordination Marivonne Abolivier et Perrine Kervran. Prise de son en studio Manon Houssin. Réalisé par Nathalie Battus. Mururoa, le colonialisme nucléaire. Un documentaire proposé par Delphine Morel. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sur la plage, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Amise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram.